Chapitre 4 De Nul Négos par Raoul Bigot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 500 000 francs pour quelques pensées. À l'époque où Nul Négos connut ses premiers soucis d'argent, la société parisienne fêtait un Sud-Américain, M. Rio Bogatul, possesseur d'une immense fortune. Riche depuis sa naissance, ayant pu, sans grands efforts, dans un pays neuf, multiplier sa richesse en vertu du phénomène économique bien connu qui veut que l'argent aille à l'argent, Rio Bogatul n'avait rien du rasta pédant et ignorant. D'une nature intelligemment curieuse, il lisait et s'intéressait à bien des choses de l'esprit et de la science. Cette curiosité l'avait amené à Paris, avide qu'il était, de suivre le mouvement littéraire et artistique et aussi les sciences d'ordre psychique qui le passionnait réellement. Il s'était promis de ne résider que quelques mois dans la capitale, et il y avait bientôt 3 ans qu'il y séjournait. L'accueil que lui avait valu son nom, ses manières, sa fortune, étaient des plus flatteurs, et il s'était rapidement créé d'intéressantes relations dans diverses classes de la société. L'aristocratie avait accueilli cet homme qui portait un grand nom de l'Amérique du Sud. La finance et le monde des affaires avaient reçu avec empressement celui qui représentait on ne sait combien de millions. Les gens de lettres, les artistes, entouraient de prévenance celui que l'on reconnaissait comme un mécène. Choyé par tous, il s'était laissé un peu subjuguer par les flatteries, plus ou moins intéressées, qui lui étaient prodiguées. Il savait que dans bien des cas, c'était à son coffre-fort que s'adressaient les hommages. Mais comme il pouvait être très généreux sans se gêner, il prit goût à cette vie qui le mettait en contact avec des gens d'esprit. Aussi, lorsqu'il s'éprit d'une jeune et jolie veuve, répondant au prénom de Suze, abandonna-t-il le grand caravansérail moderne où il occupait l'appartement le plus luxueux pour s'installer chez lui dans un bel hôtel près du bois. Peu de temps après, la séduisante veuve devenait Madame Suze Rio Bogatul. Ce mariage motiva la prolongation de son séjour. Ayant dépassé la quarantaine, véritablement charmé par la beauté, la grâce et l'esprit de sa femme, il hésitait à lui imposer la vie d'outre-mer, alors qu'elle était si en harmonie avec le cadre de la capitale élégante du monde. Une autre raison, d'un ordre bien différent, le retenait aussi. Passionné, comme nous l'avons dit, pour les sciences psychiques, il avait fréquenté les milieux spéciaux si mélangés, le sincère y coudoyant le mystificateur, qui s'occupait des questions occultes, de ces phénomènes d'ordre inconnu dont le mystère restait à découvrir. Au courant du magnétisme, de l'hypnotisme, de la suggestion, dont les effets, à défaut des causes, ont pu être scientifiquement étudiés, il avait été entraîné par des amateurs intéressés vers les invocations à l'au-delà, vers les manifestations d'esprit, naturellement autrefois célèbres sur la Terre, et jusque vers les apparitions visibles de fameux trépassés. Son esprit équilibré s'était d'abord révolté contre la possibilité de ces apparitions. En admettant que les forces psychiques de vivants particulièrement doués puissent entrer en relation avec l'impondérable errant qui, au moment de la mort, s'était échappé des corps, comment en effet admettre que cet impondérable puisse, pour des yeux humains, reprendre la forme terrestre de jadis et jusqu'à la forme et la couleur de leurs vêtements? Tout ce qui a été matière est profondément transformé, et si la vie est d'une essence supérieure indestructible et jusqu'ici insaisissable, elle ne peut rien garder de cette grossière enveloppe matérielle qu'elle a animée. Malgré ces réflexions, Rio Bogatul s'était laissé aller, par curiosité, à assister à de mystérieuses séances. Il y avait pris insensiblement goût et était maintenant l'habitué, disons même le haut protecteur, d'un petit cénacle qui se réunissait autour d'un médium célèbre, Sarah Ferlanche. Les réunions n'étaient pas très fréquentes. Comme le Sud-Américain en faisait tous les frais, et ils étaient importants, c'est lui seul qui répartissait les quelques invitations, après avis d'ailleurs, de la célèbre somnambule. Fidèle aux habitudes de sa pseudo-science, ou profession, elle ne pouvait réussir ses invocations qu'en l'absence absolue des volontés incrédules. C'est à cet homme que Nunlegos résolut de s'adresser. Un matin, vers 10 heures, le savant se présenta à l'appartement du Sud-Américain et demanda au valet de chambre si le maître était visible. « Monsieur vous attend-il ? » « Non, il ne me connaît pas. Dans ces conditions, c'est inutile. Il ne vous recevra pas. Monsieur est tellement sollicité qu'il ne reçoit que sur présentation ou sur rendez-vous. » Allez lui dire que c'est un savant qui désire lui communiquer des découvertes qui, certainement, l'intéresseront. S'il ne peut me recevoir maintenant, qu'il veuille bien m'indiquer son jour et son heure. Je reviendrai. » Il y avait tant d'assurance dans la voix et le maintien du vieillard que le valet de chambre se laissa convaincre et exécuta l'ordre. Rio Bogatul, confortablement installé dans un petit salon meublé avec goût, parcourait les journaux avant de rejoindre son secrétaire pour le dépouillement du courrier. Le domestique expliqua ce qui l'amenait et, sur la demande du maître, fit la description du solliciteur. « Bah, faites entrer !» répondit l'Américain, poussé par la curiosité qui dictait souvent sa conduite. Nunlegos fut introduit. Après avoir pris place sur le siège qui lui était désigné, il débita le petit discours qu'il avait préparé d'avance, se méfiant de son inexpérience dans les démarches de ce genre. « Monsieur, je m'appelle Nunlegos. Je suis un savant. S'il vous plaisait de vérifier mon attestation, je suis à votre disposition pour soutenir, avec les plus grands savants officiels, une discussion sur un sujet scientifique quelconque. Si je vous dis cela, c'est parce que je suis volontairement resté dans l'ombre. Personne ne connaît les travaux qui me passionnent depuis près de 40 ans. Je n'en ferai bénéficier l'humanité que lorsque le problème que je me suis posé sera résolu complètement, et il ne l'est encore qu'en partie. Possesseur d'une petite fortune, je l'ai épuisée en achats et en construction d'appareils nécessaires à mes recherches. Et je suis aujourd'hui sans ressources. Or, je ne puis suspendre mes travaux. Il me faut de l'argent. J'ai été quelque peu désorienté par ce besoin nouveau pour moi. Je pourrais évidemment prendre des brevets, faire connaître mes appareils et ma méthode aux académies savantes. Cette publicité qui révolutionnerait, entendez bien, monsieur, la science moderne, me vaudrait immédiatement l'offre d'une grosse fortune. Mais je le répète, je désire que mes travaux ne soient connus que lorsqu'ils seront terminés. Je me suis demandé si je ne pourrais pas trouver un homme intelligent et riche qui accepterait de m'aider. En échange, et sur garantie de sa discrétion, je le mettrai au courant, non de ma méthode, mais des résultats de ma méthode, et me prêterai à quelques expériences qui pourraient lui rendre des services représentant peut-être pour lui plus que les sommes nécessaires à la poursuite de mes études. Je ne vous connais pas, monsieur Rio Bogatul. J'ai déduit seulement des divers entrefilés que j'ai lus sur vous dans les journaux que vous êtes immensément riche et généreux, que les arts vous considèrent comme un mécène et que vous vous intéressez particulièrement aux sciences psychiques. Or, comme ma science à moi, si elle n'est pas de cet ordre, car elle est rigoureusement exacte, s'occupe néanmoins de phénomènes d'ordre aussi mystérieux, j'ai pensé que vous pourriez être l'homme que je cherche. » Nunlegos se tut. Après un instant de silence, pendant lequel il scruta le visage du petit vieillard qui venait de lui débiter un si étrange préambule, l'Américain prit la parole. « C'est en somme d'une affaire qu'il s'agit. Avant de me décider, je dois connaître explicitement ce que vous me proposez et la somme qui vous est nécessaire. Je sais lire la pensée. Il me faut au moins 500 000 francs, répondit Nunlegos. Comment ? S'exclama stupéfait son interlocuteur. Croyant que l'exclamation s'adressait aux chiffres, Nunlegos expliqua. Oui, d'après ce que j'ai dépensé, d'après ce que je prévois, c'est au moins 500 000 qu'il me faut. Mais il ne s'agit pas de cela, interrompit Rio Bogatul. Répétez donc ce que vous avez dit auparavant. Je sais lire la pensée, répéta Nunlegos, imperturbable. La plus profonde stupéfaction se peignit sur les traits de l'Américain. Il s'abandonna à ses réflexions. Puis son visage reprit sa sérénité habituelle, et c'est très naturellement qu'il continua la conversation. Vous voulez dire, sans doute, qu'imposant votre volonté aux gens soumis à vos expériences, vous les forcez à vous livrer leurs pensées. Ce n'est là qu'une forme des phénomènes magnétiques et hypnotiques. Ce n'est pas du tout cela. Alors, c'est que vous prétendez avoir saisi les relations entre la pensée et les phénomènes extérieurs, et que partant de ceci, pour remonter à celle-là, vous êtes devenu un psychologue remarquable. La psychologie, comme vous l'entendez, disparaîtra devant mes découvertes. Je ne nie pas que chez certaines personnes, cette relation existe, mais elle n'est saisissable pour les tiers que sur celles dont le système nerveux est particulièrement impressionnable. Un mensonge les fait rougir, une accusation exacte les fait pâlir. Le masque se déforme suivant l'exposition faite et obéit plus ou moins à leurs désirs secrets. Vous n'avez là que des phénomènes d'un ordre très réduit qui n'ont de prise que sur peu de gens. Ceux qui sont véritablement doués de sang-froid et de volonté se défendent aisément et peuvent même induire en erreur les indiscrets qui les serrent de trop près. Non, la psychologie prétendant à la lecture de la pensée, d'après les mouvements et réflexes du corps, n'est pas une science. Elle n'a aucune des précisions qui la caractérisent. Ce n'est qu'une approximation, forcément imparfaite, souvent inexacte, presque toujours indécise. Je sais que l'on entend aussi par psychologie l'art de prévoir ce que fera un sujet connu, que ce soit une personne, une collectivité, un peuple même, lorsqu'il sera mis en face de telle ou telle idée, de telle ou telle action. Cela, du fait seul qu'une collectivité peut être mise en cause, est en dehors également des limites d'une science exacte et relève exclusivement de la philosophie, d'aucuns vous diront de la politique. Lorsque je viens, moi, vous parler de lecture de la pensée, je m'écarte délibérément de tous les faits dans lesquels l'intuition, les déductions spéculatives jouent un rôle quelconque. Je veux dire que dans un cerveau humain, je sais lire toutes les pensées qui le traversent, aussi clairement que vous pouvez lire les journaux que vous avez devant vous. Et dans cette lecture de la pensée, les phénomènes extérieurs, les jeux du visage, les seuls visibles pour le profane, ne me sont d'aucune utilité. Admettez seulement, et c'est facile, n'est-ce pas, que le travail du cerveau, l'élaboration des pensées, soit accompagné de phénomènes physiologiques. Admettez que, par mes appareils, je sois arrivé à voir dans le cerveau, que je sois arrivé à établir la concordance immuable entre une certaine pensée et un certain phénomène, et vous aurez tout mon secret. Rio Bogatul, silencieux, se demandait s'il avait affaire à un fou. Pourtant, la logique de cet homme, son assurance, la fougue avec laquelle il défendait ses idées, plaidaient en sa faveur. L'Américain se recueillit. Il avait besoin de mettre un peu d'ordre dans les sensations tumultueuses qui agitaient son esprit. « Voyons, reprit-il, j'ai peur de n'avoir pas bien compris. Expliquez-moi en détail les expériences dont vous entendez me faire profiter en échange du service pécuniaire dont vous m'avez parlé. » C'est bien simple. Je me rendrai, avec mes appareils, dans un endroit que vous aurez choisi. Il suffit qu'il existe une distribution d'éclairage électrique. Pour vous prouver ce que je vous ai annoncé, vous soumettrez à mon expérience. Pendant tout le temps que je vous examinerai, je noterai les pensées qui traversent votre cerveau et je vous les communiquerai à la fin de l'expérience. Le contrôle vous sera facile, n'est-ce pas? Ensuite, j'examinerai les personnes qu'il vous plaira de me désigner. Si vous avez besoin de savoir ce qu'elles pensent réellement, intimement, sur tel ou tel sujet, vous me préparerez un questionnaire. Les questions les obligeront à y songer, et si la pensée est différente de la réponse verbale, vous le saurez. Si certains faits que vous ne connaissez pas vous sont ainsi révélés, il vous sera facile de les vérifier par vous-même. C'est après cette vérification que vous me remettrez ce dont j'ai besoin pour continuer mes recherches. Je vous rappelle une condition absolue. Les personnes examinées ignoreront toujours le genre d'expérience à laquelle elles auront été soumises. Vous vous engagez à respecter le secret que je vous ai confié et à ne pas vous occuper de moi dans l'avenir. Un peu abasourdi, Rio Bogatul conclut rapidement qu'il ne risquait rien à tenter ces essais extraordinaires. La vérification en était réellement facile Et si le vieillard avait dit vrai, l'argent placé entre ses mains servirait bien la science et l'humanité. Il répondit affirmativement à Nunlegos, lui donnant rendez-vous, dans le même appartement, pour quelques jours après. À la date fixée, au début de l'après-midi, Rion Bogatul était seul au grand salon. Il paraissait préoccupé. Son plan n'était pas arrêté et il ne savait que penser de Nunlegos. Depuis sa fameuse entrevue avec le savant, des impressions contraires traversaient son esprit, mais celui-ci ne pouvait se fixer. Si le vieillard était un imposteur, il le démasquerait à la première expérience. Mais si réellement il était arrivé au pouvoir prodigieux de lire la pensée, l'Américain avait un frisson. Qui oserait-il soumettre à la mystérieuse épreuve? De quelle tristesse serait le résultat? Il en était là de ses réflexions lorsqu'un valet de chambre entra et lui dit quelques mots. Il se leva immédiatement et se rendit dans un petit fumoir où Nunlegos se trouvait avec ses deux valises et achevait ses préparatifs. « Monsieur, je suis prêt, » déclara le savant en lui présentant un fauteuil. « Veuillez prendre place ici pour la première expérience convenue. »« Alors, monsieur, vous persistez dans votre affirmation ? Vous vous déclarez capable de pouvoir m'indiquer tout ce que j'aurais pensé pendant le temps que vous m'examinerez ?»« Parfaitement. Je vous préviens que je ne suis pas encore arrivé à lire les noms propres. » Si donc des personnages interviennent dans vos réflexions, veuillez penser à leur physique, à leurs traits particuliers. Ainsi, à défaut de leur nom, je pourrais néanmoins vous en faire un portrait suffisant pour vous permettre de les identifier. Entendu. Comment vous servez-vous de vos appareils? Je poserai celui-ci, et le savant désignait la caisse, sur votre tête. Moi, j'observerai, au moyen de cet autre appareil placé sur la table. Je transcrirai sur cette tablette ce que je lirai dans votre cerveau et je vous le traduirai ensuite, de vive voix ou par écrit, à votre choix. » L'Américain s'assura que de la place où il serait, Nunlegos ne pourrait absolument rien voir de ce qu'il tiendrait dans les mains. Il avait en effet préparé un feuillet pour obliger son esprit à travailler sur certains sujets notés d'avance. L'essai commença. Au bout d'un quart d'heure environ, Rio Bogatul déclara « C'est assez » et, débarrassé du carcan, s'avança avec curiosité vers le savant en train d'examiner les hiéroglyphes tracés sur sa feuille de papier blanc. « Monsieur, » déclara Nunlegos, « voici ce que vous avez pensé. Je vous préviens d'abord que votre esprit a abordé plusieurs sujets et est passé brusquement de l'un à l'autre, sans transition, comme certainement sous l'effet d'une cause extérieure. » À chaque changement, j'ai simplement noté cette réflexion. Assez pensé sur ce sujet, voyons mon papier. Je ne vous répéterai pas cette phrase. Voici maintenant les choses essentielles. Pour en faire un récit, il suffirait de quelques termes de liaison. Mon pays, riche, immense, terre, agriculture, bétail, mine, grande place pour industrie future, par malheur, manque argent. Surtout technicien, maître en valeur, homme jeune, instruit, arrivé grosse situation, je parle de cela, financier, écoute, approuve, n'agisse pas, regrettable pays où je vis, peut prendre place importante, paraît pas comprendre, refus prêter argent à des gens compétents, préférence pour étrangers sans garantie morale, curieuse gens de ce pays, instruit, intelligent, passance réalité, font beaucoup discours, agissent peu, très long prendre décision, demande tant d'études, d'autant plus long que l'urgence est grande. Ma femme, blonde, cheveux or, visage délicieux, sourire adorable, démarche gracieuse, amour fou, tient toute ma vie, je crois à sa fidélité, veut pas songer à tromperie, qu'elle avoue plutôt indifférence, séparation, acceptation douleur, rupture, mais préférable à trahison. Si trahison, pas hésitation. Du sang, vengeance, horreur. Hier soir, théâtre. Ce soir, théâtre. Demain, théâtre. Pas vrai, mais volonté penser ainsi. Pour voir si vieillard devinera. Contrôleur petit théâtre. Pas beau, aimable, myope, chauve, grosse moustache, pas vrai, fait description supposée. Trouve expérience assez longue, arrêt. Lorsque Nulnegos se tut, Ryubogatul était blême. L'inconnu avait réussi à lire exactement tout ce qu'il avait pensé. C'était véritablement incroyable. Était-ce de Dieu ou du diable que cet homme était l'envoyé? Profondément absorbé, osant à peine se figurer ce que pourrait devenir l'humanité lorsque cette découverte serait connue, il se taisait. Nulnegos rompit le silence. « Inutile de me dire si j'ai réussi. Votre cerveau est d'ailleurs particulièrement clair. Il n'y a que le nom du théâtre que je n'ai pu lire. Ce doit être un nom propre. » « En effet, » répondit l'Américain, revenant à lui-même, pensant que c'était le moment de prendre une décision pour ce qui devait suivre. Seul, il rejoignit le grand salon, priant le savant de ne pas s'étonner si les personnes à examiner n'arrivaient pas tout de suite. S'asseyant dans un des fauteuils bas, penchant le buste pour tenir sa tête des deux mains, les coudes sur les genoux, il essaya de mettre de l'ordre dans ses idées. Il ne pouvait douter. Là, sous son toit, dans une pièce voisine, se trouvait un homme muni du pouvoir formidable de déchiffrer ce qui se passait de plus intime, de plus caché dans un cerveau humain. Il pouvait, lui, Ryubogatul, grâce à sa fortune, dont le vieux savant demandait quelques parcelles, accaparer ce pouvoir et connaître les pensées les plus secrètes des gens qu'il désignerait. Comment userait-il de cette faculté inouïe? Qui soumettrait-il à la mystérieuse épreuve? Il savait, certes, que dans son entourage, les indélicats ne manquaient pas. Sa finesse, son expérience, avaient souvent fait le départage de la sincérité et de l'intérêt dans les sentiments qui lui étaient exprimés. Mais qu'était cette intuition d'homme intelligent à qui la fortune permettait un aimable scepticisme au regard de la science exacte et redoutable dont se prévalait Nulnegos? Quelle noirceur lui serait-elle révélée par des examens scientifiquement exacts de ce que chacun croyait irrévélable à d'autres? Il revenait à sa première interrogation. Mais qui allait-il condamner à la suprême investigation? C'était justement le jour où, sachant qu'il restait chez lui l'après-midi, bien des gens se disant « ses amis » viendraient le voir. Le mieux n'était-il pas de laisser venir? Suivant les impressions reçues par la conversation, les manières des visiteurs, il prendrait des décisions rapides et enverrait vers l'énigmatique vieillard les cerveaux où une pensée trop ténébreuse lui paraîtrait logée. Et ainsi, il apprendrait peut-être des choses effroyables. Des armes formidables seraient mises entre ses mains. Il s'en servirait, redresserait des torts, châtirait à bon escient. Il sentait, tout d'un coup, germer en lui le désir de jouer un grand rôle de justicier. Cela le changerait de sa vie facile d'homme riche. Il avait le moyen de découvrir la vérité, de jeter bas les masques des hypocrites qui pullulaient dans le monde. Il allait procéder à un grand nettoyage, démolir les réputations établies sur des mensonges et des crimes, récompenser publiquement la vertu. S'exaltant à ses idées, il se sentait devenir un autre homme. Ses mains se crispaient. La vraie justice serait appliquée. Il en serait l'exécuteur impitoyable. Que viennent donc les mécréants? À ce moment, il entendit la porte s'ouvrir. D'un mouvement impulsif, il se leva. Sa soif de vérité et de justice, il allait la satisfaire séance tenante. Celui que le sort désignait allait, sous un prétexte facile, être obligé de confier à Nulnegos tout ce que son esprit avait de plus mystérieux. Se dominant, il s'avança, l'air naturel, vers le visiteur prédestiné. Mais à sa vue, un nuage passa devant ses yeux. « Vous? Vous ?» ne put-il s'empêcher de crier, alors qu'une angoisse l'étreignait au cœur et qu'il fut obligé de s'appuyer à une table pour ne pas tomber? Il s'affala sur un siège, répéta « Vous? Vous ?» pendant que ses mains se tendaient vers Suze, qui, entrée souriante et froufroutante, venait à lui inquiète, en disant « Mais qu'avez-vous, mon ami ?» Un bouleversement intense se lisait sur ses traits. Pendant quelques instants, il ne put rien dire. Il repoussa doucement le flacon de sel que sa femme lui présentait. « Excusez-moi, ma chère amie, j'étais assoupi. Il fait si chaud aujourd'hui. J'étais en proie, sans doute, à un cauchemar, lorsque le bruit de la porte que vous ouvriez m'a saisi. Ce n'est rien. C'est enfantin ce qui m'est arrivé. Encore une fois, excusez-moi. » Il fit asseoir Suze auprès de lui, serra tendrement ses mains, murmura, admiratif. « Comme vous voilà belle. Alors, cette toilette vous plaît ? J'en suis heureuse, car j'espérais qu'elle serait de votre goût. Ne dois-je pas vous faire honneur à la vente de charité du ministère et à l'ambassade de la rue Saint-Honoré ? Avant de partir, je me suis souvenu qu'aujourd'hui, vous restiez ici, que c'était votre jour, et j'ai voulu que votre première visite fût la mienne. Êtes-vous satisfait ? Êtes-vous remis de ce vilain cauchemar ?» Le milliardaire, séduit par tant de charme, se reprit vite et rassura sa femme. Après lui avoir baisé la main, il la conduisit jusqu'à sa voiture. Rentré, il se plongea de nouveau dans ses réflexions. Mais elle s'était modifiée. Ainsi, juste au moment où la surexcitation causée par l'expérience inouïe de Nunlegos l'avait amené à la conviction qu'il se devait de jouer au justicier, sa femme adorée était venue, se présentant comme première victime. Quelle angoisse l'avait étreint devant cette gracieuse apparition alors qu'il attendait un visiteur banal. La Providence n'avait-elle pas voulu le prévenir ainsi que le règne de la vérité pure n'était pas encore arrivé, que le bonheur en ce monde ne dépendait pas seulement de la science exacte d'un Nunlegos? Elle était venue lui rappeler que la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue sans la délicatesse, sans la confiance, sans le respect des êtres aimés, et que pour un homme d'honneur, cet espionnage de la pensée pouvait être une infamie. Cette idée que l'application de la méthode du savon aurait pu s'exercer sur sa chère compagne lui avait causé une douleur qu'il ressentait encore. Il était galant homme et entendait le rester. Son équilibre mental rétabli, il se promit de n'user qu'à bon escient de la force redoutable du vieux savant. C'est dans cet état d'esprit qu'il reçut ses visiteurs, gens de catégorie sociale et de mentalité bien différente, car il était éclectique et aimait à observer beaucoup dans les milieux les plus divers. Il y avait là des financiers de bon aloi, désireux de garder des relations avec le richissime américain, des financiers douteux, parlant négligemment des affaires merveilleuses qu'ils allaient lancer, faisant miroiter les fabuleux bénéfices qui iraient aux gens assez avisés pour profiter de ces occasions uniques. Rio Bogatul les connaissait. Son expérience lui suffisait pour faire son choix. À quoi bon savoir ce qui se passait derrière certains de ces visages, que la faconde rendait parfois moins grave que ne l'eussent voulu ces bavards? Ne le savait-il pas déjà? Beaucoup d'artistes aussi étaient présents. Des officiels à visage glabre ou à moustache cirée, des bohèmes chevelus, des hommes d'un réel talent, d'autres d'une suffisance qui ne réussissaient pas à cacher leur médiocrité, des riches et des pauvres. Tous ces êtres, que pensaient-ils réellement? Ce n'était pas difficile à imaginer. Les uns étaient là parce que la consécration de leur art dépendait de leur assiduité dans ce salon réputé de Paris. Les autres, dans l'espoir de tirer une commande ou un secours du généreux mécène. Des fonctionnaires, vieux style ou d'une élégance ultramoderne, fréquentaient chez Rio Bogatul. Certains pensaient y trouver les hauts protecteurs dont l'intervention était nécessaire à leur avancement, qui risquaient d'être retardés par leur paresse et leur ignorance. Il était bon que ces protecteurs connussent ce qu'ils étaient reçus par le milliardaire. D'autres, des jeunes surtout, venaient là par désœuvrement, espérant une invitation dans cette maison qui recevait luxueusement. Rio Bogatul, homme actif et intelligent, s'intéressait peu à ces natures frivoles. À quoi bon faire examiner leur cerveau? Comme il devait contenir peu d'idées. Des gens du monde étaient là par chic. Parmi eux, plusieurs attendaient un regard du maître pour le solliciter. Cyniquement, aimablement ou humblement, pour tenter d'obtenir de quoi réparer le désastre d'une nuit de jeu ou, plus prosaïquement, pour assurer leur existence. Peut-être, parmi eux, trouverai-je quelques cas intéressants, pensait le milliardaire. Ce monsieur de l'espèce, par exemple, de la plus authentique noblesse, affirme-t-il tout au moins. Il accepte parfois, par pur dilettantisme, c'était son expression, d'aider ses amis à se procurer de ces merveilles d'art dont la possession n'est permise qu'aux plus riches de la terre. Rio Bogatul avait, à deux reprises, failli être victime de cet homme qui lui avait proposé, se portant garant de leur authenticité, un Corot et un Laurence qui n'étaient que des faux. Il était classé maintenant. À quoi bon déranger le savant pour apprendre que ce prétendu homme du monde n'était qu'un vulgaire mercanti? Faire examiner un politicien? Car il y en avait là, comme il y en a partout où quelque chose peut se récolter. La lecture serait sans doute édifiante. Mais l'Américain ne pouvait songer à violer la pensée d'un de ceux qui aspiraient à gouverner le pays dont il acceptait l'hospitalité. Un câblogramme qu'on lui remit l'amena à causer avec son secrétaire, M. Bryan. Celui-ci était d'une obligeance extrême et avait reçu plein pouvoir pour diriger les affaires de l'Américain. L'esprit toujours préoccupé du choix d'un patient pour Nunlegos, Rio Bogatul remarqua l'air accablé de son employé. Il se remémora les doutes qu'il avait assaillis récemment sur l'honnêteté de cet homme. Dans une affaire importante, il avait, lui sembla-t-il, abusé de ses pouvoirs. Il attendait à ce sujet le résultat d'une enquête qui devait lui être communiquée le lendemain même. Si ce résultat concordait avec ses soupçons, il congédierait immédiatement l'employé indélicat. Qu'importait alors l'intervention du vieux savant à la veille d'une solution radicale? Pendant que Nunlegos attendait avec patience, Rio Bogatul commençait à trouver bien difficile la découverte d'un sujet vraiment intéressant. Le hasard le rapprocha d'un groupe où Sarah Ferlanche, médium célèbre, vêtue de noir, conservait un air grave, seul compatible avec son rôle et sa réputation. Elle était très entourée. Ce fut pour lui une révélation. Le cerveau mystérieux et inconnu, c'était celui de cette femme à laquelle il devait de poignantes émotions. Il ne doutait nullement de la sincérité de celle-ci, de ses facultés extraordinaires de médium, car, dans les premières expériences surtout, il s'était entouré de toutes les garanties possibles. « Ce cerveau, pensa-t-il, ne doit pas être semblable aux autres. Son examen peut avoir un grand intérêt scientifique. » Et il décida immédiatement de tenter cet essai. Il amena rapidement la conversation sur les plus récentes découvertes, parla d'un vieux savant dont les curieux appareils servaient à l'examen du cerveau, disant que cela l'intéresserait, et il pria Sarah Ferlanche de venir le voir avec lui. Il la conduisit jusqu'au petit salon où Nunlegos, ignorant l'impatience, fixait sur un papier des réflexions et des idées se rapportant au problème qui le hantait. « Monsieur Nunlegos, déclara Rio Bogatul, madame est curieuse de tout ce qui se rattache aux sciences cachées. Peut-être accepterait-elle de se soumettre à vos observations sur le cerveau. Qu'en dites-vous, madame ? » L'interpellé, qui tenait à conserver les bonnes grâces du millionnaire, consentit à tout ce que l'on désirait. Le savant procéda aux préparatifs en les accompagnant de quelques remarques que le lecteur connaît. Installé dans un fauteuil, la tête coiffée de la boîte mystérieuse, la voyante attendit, un peu interloquée. Nunlegos, après quelques instants d'observation, s'adressa à l'Américain. « Je ne vois rien de spécial. Vous savez que vous pouvez parler de ce qui vous intéresse tous les deux. » Rio Bogatul, dans l'espoir de constatations intéressantes, entama une conversation sur les dernières manifestations des esprits évoqués par Sarah Ferlanche. De suite, Nunlegos commença à tracer ses hiéroglyphes sur la feuille de papier tendue dans le cadre métallique. 10 minutes après, l'Américain, voyant que le sujet commençait à être gêné par l'appareil qui emprisonnait sa tête, mit fin à l'expérience. Après avoir pris congé de la pythonisse, il revint vers Nunlegos, qui remettait en ordre ses instruments mystérieux. « Eh bien, qu'avez-vous lu ? » ?»« Des choses qui, je le crains, ne vous feront pas plaisir. » « Lesquelles ? Vous voulez la traduction verbale ? Oui, tout de suite, si vous le pouvez. Voici. Et le savant, suivant ses lignes cabalistiques, énonça à haute voix les pensées lues dans le cerveau de la voyante. Au fur et à mesure de la lecture, la physionomie de Rio Bogatul devenait de plus en plus sombre. Cette lecture terminée, il resta quelque temps songeur, puis demanda une seconde lecture, à la fin de laquelle il déclara « C'est bien, monsieur, vous venez de me dire des choses fort graves. Êtes-vous certain de ne pas vous être trompé ? La vérification vous est facile, réservez votre jugement jusqu'à ce moment. » « C'est exact, je vous préviendrai quand nous aurons à nous revoir. Bonsoir, monsieur. » Et Rio Bogatul sortit en murmurant « Ce n'est pas possible. » 3 jours après, il se rendit chez Sarah Ferlanche. Après quelques formules de politesse, il exposa le but de sa visite. « Lorsque vous arrivez, dans vos relations avec l'au-delà, à convaincre un esprit de se matérialiser, croyez-vous que cet esprit puisse répondre à l'interrogation muette d'un des assistants ?» Sarah Ferlanche, abandonnant son air gracieux de femme, prit son masque grave de pythonisse, posa ses mains souples et fines sur ses genoux et, sur un ton de consultation, répondit « Il me semble que l'esprit répondra, mais à condition que moi, qui l'aurai évoqué, je lui pose la question et que je lui désigne l'assistant qui devra tendre alors toute sa volonté, concentrer tous ses effluves psychiques sur la question qui lui tient à cœur. Oui, l'esprit peut alors pénétrer dans l'âme de l'intéressé, y lire sa préoccupation et, s'il est capable d'y répondre, il donnera par ma voix sa réponse définitive. Mais il faut que l'interrogateur, dans son conscient comme dans son inconscient, soit bien convaincu de la véracité de ces apparitions mystérieuses. Si le moindre doute subsistait en lui, l'esprit invoqué ne me dicterait rien. J'en serais pour une angoisse de plus, et il me serait presque impossible, dans l'avenir, de l'amener de nouveau à vouloir bien se rendre à mon appel. Si c'est moi, l'habitué de vos séances, qui suis, avec quelle passion vous le savez, toutes les manifestations de votre pouvoir miraculeux, si c'est moi, dis-je, qui suis l'assistant intéressé, l'esprit me répondra-t-il par votre intermédiaire hein ? Si c'est vous, c'est probable, je ne dis pas c'est sûr, car vous avez été longtemps réfractaire, mais j'ai senti, lors des dernières invocations, que votre psychisme ne me paralysait plus. Quand tout était terminé, j'étais encore bien lasse, c'est vrai, mais je n'avais plus ces angoisses épouvantables qui me poursuivaient à la suite des premières manifestations dont vous avez été le témoin. Je ne sais ce qui se passe en moi lorsque je suis sous l'empire de cette possession spirituelle, mais il doit se livrer des combats formidables entre mon esprit à moi et ceux que j'évoque lorsqu'ils sont mis en présence de volontés qui les contrecarrent. Mon pauvre corps en subit les conséquences et en meurt. Expliquez-moi donc ce que vous désirez savoir. J'ai en tête une affaire extrêmement importante. Il s'agit de plusieurs millions. Je dois la garder secrète, excusez-moi, car j'ai un associé et je lui ai donné ma parole de ne rien dire à qui que ce soit. Cette affaire est basée sur une combinaison complètement inédite et je voudrais bien un avis éclairé sur cette conception hardie et neuve. Ne pouvant demander conseil à un vivant, j'ai pensé que vous pourriez le solliciter d'un disparu, d'un grand financier et économiste, du célèbre Lafitte, par exemple. Est-ce possible ? Je veux bien essayer. Vous savez que je vous suis toute dévouée. Quand voulez-vous que nous tentions l'invocation ? Dans une semaine, cela vous va-t-il ? C'est trop tard. L'affaire est très urgente. J'aurais voulu ce soir, ou demain soir. C'est impossible. Pour ces invocations, surtout avec la matérialisation, je vous ai dit souvent que je devais me préparer à l'avance. Me préparer physiquement, car je dois, par un jeûne rigoureux, annihiler le plus possible mes forces corporelles pour donner plus de suprématie à mes forces psychiques. Me préparer immatériellement, car je dois dès maintenant communiquer à toutes mes forces inconnues les vibrations qui les feront se mettre à la recherche, dans l'infini qui nous entoure, de l'esprit errant de la fuite. Il faut que cet esprit soit en quelque sorte touché à l'avance par des effluves sympathiques qui le prépareront à se rendre à l'appel définitif que je lancerai en votre présence. C'est pourtant extrêmement urgent. Dites-moi votre limite extrême. Je ferai mon possible. Rio Bogatul prit quelques instants de réflexion et conclut. « C'est aujourd'hui mardi. J'amènerai mon associé à retarder jusqu'à vendredi matin la décision suprême. Il me faudrait votre consultation au plus tard jeudi soir. » « C'est bien court. Enfin, je vous ai promis. Je vous attendrai jeudi soir à l'heure habituelle, un peu avant minuit. » Rio Bogatul se leva et la voyante reconduisit son client. Le lendemain dans la matinée, Rio Bogatul fit verbalement quelques invitations pour la séance convenue de spiritisme, alors qu'habituellement, il les adressait par courrier. Au jour dit, vers 11h30 du soir, le millionnaire, accompagné de quelques adeptes, arrivait chez Sarah Ferlanche, qu'il reçut dans son air grave, presque absent déjà des contingences de ce bas monde, allure obligatoire des jours où ses forces psychiques devaient convoquer les esprits de l'au-delà. Suivant l'usage, les assistants eux-mêmes procédaient aux préparatifs nécessaires. Ils étaient très simples. C'est surtout grâce à cette simplicité, grâce à l'absence de mise en scène préalable, que des gens comme Rio Bogatul étaient arrivés à se laisser convaincre de la réalité des phénomènes troublants évoqués par le fameux médium. Toute fraude paraissait en effet impossible. Dans un salon banal, on disposait au milieu de l'un des murs une sorte de guérite à trois faces, constituée par trois panneaux très légers de toile tendus sur des cadres. Le cadre du fond était appuyé au mur, les deux autres lui étant perpendiculaires. Ils étaient posés sur le tapis même qui recouvrait toute la pièce. Aucun plancher ou estrade supplémentaire n'était ajouté. Un petit cadre, en toile noire également, réunissait les panneaux à la partie supérieure. C'est dans cette sorte de cabine, large de plus d'un mètre, que sur une chaise quelconque du salon, se plaçait le médium, face au public. Cette sorte d'isoloir était, paraît-il, nécessaire pour ne pas effaroucher les esprits lorsque ceux-ci répondaient à l'appel invocateur qui leur était adressé. De chaque côté de la cabine, on recouvrait ce qui restait du mur d'un voile noir. L'obscurité, ou la presque obscurité, était naturellement de rigueur, tant pour faciliter la venue des esprits que pour pouvoir saisir les phénomènes d'ordre lumineux par lesquels certains attestaient leur présence. Les sièges des assistants étaient placés en ligne parallèle au mur tendu de noir, la première rangée, à 3 mètres environ, de la chaise du médium. Quand le premier coup de minuit sonna à la petite pendule du salon, Sarah Ferlanche prit place. Au dernier coup de minuit, l'un des spectateurs tourna les deux commutateurs qui éclairaient la pièce. Il ne resta plus, dans un coin, qu'une veilleuse bleuâtre répandant une lumière fort indécise. La séance commença. À plusieurs reprises, l'on put voir comme un reflet blanchâtre allant des genoux de Sarah à sa tête. C'était sa main droite qu'elle promenait sur son front, geste favori qui lui permettait de se plonger elle-même dans le sommeil magnétique nécessaire pour la manifestation de son pouvoir spirit. Dans un délai qui parut normal aux habitués, moins nombreux qu'à l'ordinaire, 8 au lieu d'une vingtaine, Sarah Ferlanche, d'un mouvement qui fit grincer le dossier de sa chaise, rejeta la tête en arrière. Elle était endormie. Sa respiration devint de plus en plus oppressée. Des gémissements ou des paroles informes sortaient de sa bouche, scandées avec angoisse, et l'on put enfin percevoir à peu près ses syllabes. La fuite. La fuite. Un long silence. Le médium paraissait anéanti. Une seconde période de surexcitation suivit. L'appel devint moins diffus. Nouveau silence. Nouvelles exaltations. Enfin, cette fois, un crissement très léger se fit entendre dans la cabine. Sarah Ferlanche eut comme une expiration de soulagement. C'était presque distinctement qu'on l'entendit appeler. « La fuite, la fuite !» Une flamme verdâtre, très légère et changeant de dimension, parut voltiger sur le fond de la cabine. « La fuite, la fuite, montre-toi !» exhala la pythonisse en une imploration gémissante. Puis elle se tut, et tout son corps fut pris d'un tremblement nerveux. Ô miracle ! Le crissement se fit plus perceptible, la flamme voltigeante se fixa, puis son intensité diminua peu à peu, pendant qu'une apparition fantastique, verdâtre également, s'esquissait au fond de la cabine, au-dessus de Sarah. Elle mit plusieurs minutes à se dessiner, et les assistants purent enfin contempler, en traits de feu, luminescent mais léger, le visage du célèbre économiste et banquier, Laffitte, tel que l'image l'a porté jusqu'à nous. Le tremblement du médium diminua. Elle murmura, toujours de cette voix scandée, réellement angoissante, « Tu es là, je le sens !» Puis, comme saisie de frayeur, elle cria presque, « La question, vite, la question !» Le drame eut lieu. Rio Bocatul, placé au premier rang, se leva. D'un mouvement brusque, il écarta Sarah, qui, surprise, avait à peine eu le temps d'étendre les bras, et lança un coup de poing dans le fond de la cabine. On entendit le déchirement d'une toile. De sa main restée libre, il alluma une forte lampe électrique de poche, déchirait rapidement la toile et enjambait un obstacle en criant « Venez tous !» Les assistants, stupéfaits et indignés, purent se rendre compte du procédé habile par lequel la soi-disant spirit avait abusé d'eux. Derrière le fond de la cabine volante qui servait d'abri à Sarah, le panneau de la cloison, au-dessus de la simèse, était mobile. Ouvert, il donnait accès à une petite pièce munie d'un épais tapis où se trouvait un homme vêtu de noir, ganté de noir, masqué de noir, chaussé de feutre. Il avait à sa disposition une sorte de petite lanterne magique qui produisait des flammes voltigeantes. Une feuille mince de métal lui permettait de produire, par un simple toucher, les crissements révélateurs de la présence des esprits. Pour les apparitions, sur une toile noire, les traits de l'esprit invoqué étaient dessinés avec une matière phosphorescente, et ce cadre était approché, petit à petit, du fond de la cabine et donnait l'illusion de l'apparition progressive. La toile, très fine et bien tendue du fond de cette cabine, laissait à l'image ainsi apparue un flou tout à fait de circonstances. Ces constatations faites, tous les assistants se retirèrent sans mot dire, laissant au compère, tout de noir vêtu, le soin de s'occuper de Sarah Ferlanche, qui avait jugé à propos de s'évanouir, ses facultés de comédienne étant sans limite. Le lendemain, l'Américain lança une dépêche abondie. La matinée suivante, Nunlego se faisait annoncer. « Monsieur, nous liquiderons d'abord, si vous le voulez bien, la question à faire. J'ai vérifié ce que vous prétendiez avoir lu dans le cerveau de la personne que je vous avais prié d'examiner. Tout était vrai. Au terme de nos conventions, je vous dois donc 500 000 francs. Je les tiens à votre disposition. Si, plus tard, vous êtes de nouveau gêné pour continuer vos recherches, vous pourrez faire appel à moi, sans crainte. Comment voulez-vous cette somme ? Un chèque barré à mon ordre. Bien. Le voici. Maintenant, monsieur Nunlegos, laissez-moi vous remercier de ce que vous m'avez dévoilé. Je savais, certes, qu'évoluaient autour de moi, comme autour de tous les riches, des gens sans scrupules ou doués d'une certaine élasticité de conscience. J'en avais pris mon parti, mais je n'aurais jamais cru que l'on pût se montrer fourbe à ce point à mon égard. J'ai donc pris les mesures nécessaires et infligé les sanctions. Mais monsieur, à quel immense bouleversement votre génie soumettra-t-il le monde lorsque vous lui donnerez à connaître votre mystérieuse et terrible méthode ? Je regrette votre détermination de ne pas encore révéler votre immense labeur. Soyez certain que je remplirai ma promesse d'absolue discrétion. » Et, très ému, l'Américain serrait chaleureusement les deux mains du savant. Nunlegos, toujours calme, s'en fut chez son banquier. Il était maintenant rassuré sur ses recherches futures. Fin du chapitre 4. Lu par Isad, quelque part en France.